terminer ce Before Party Fun, Feder avec Lord Lee. Ce sera l'hymne du championnat du monde de handball qui se passera en 2017 en France. Je vous retrouverai demain à 16h, 19h le Before Party Fun. Ce soir à minuit, Party Fun, tout court, avec Adrien Thomas toujours. Ouais, je serai là tout à l'heure à minuit. Puis j'ai un nouveau Cachemire encore, le mec n'arrête pas, avec Will Sparks. Il a fait un morceau avec Will Sparks qu'ils ont sorti en téléchargement gratuit. Je vous le jouerai tout à l'heure. Il s'appelle Voices, entre minuit et 1h. Et pour l'instant, à 20h, c'est Love in Fun pour parler de sexe et d'amour et pas que avec le doc. Et ouais, Karel. Salut les gars, ça va bien? Yo. C'est quoi le programme de votre émission ce soir? Bah attends, tu sais bien, il se passe plein de choses dans l'émission. Il y a le chiffre d'Alice, il y a le défi, fallait pas demander. C'est en avance là. Il y a tous les auditeurs qui viennent ici, voilà, pour nous parler de ce qu'ils veulent en fait. C'est une vraie libre antenne qu'on fait tous les soirs. Faites attention parce que je vous rappelle les règles. Alors, les auditeurs ne savent pas, mais qu'il y a quand même des règles à Fun Radio pour les salariés. Ouais. Il est interdit de boire et de manger en studio. Il y a Alice qui a un verre d'eau. Mais quelle balance! Juste à côté de son micro. Si ouais, jamais. Attends. J'ai la sensation que t'as une très mauvaise vue. Non, mais attends, elle t'a collé un râteau pour la dénoncer comme ça? Mais si jamais, je crois que si, oui. Si jamais il tombe. Non mais en fait c'est pas la vérité, c'est qu'elle lui a collé un râteau. Mais au-delà de ça, s'il y a bien des rebelles dans cette équipe, c'est bien Love in Fun. Je te le dis, nous on en a rien à foutre. On et je fais tomber mon café sur la console. Eh ben ouais. Bon ben Alice, fais attention de pas mouiller. Oui c'est bon, je ferai attention pour toi JB. Quel jeu de mots. Bien sûr, on va mouiller, on va mouiller autre chose pendant l'émission. C'est parti, on y va, on attaque. Allez on y va. Vous voulez faire de la radio avec nous? Ladies and gentlemen, please welcome. Tous les soirs. 01 42 48 5000. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Fun Radio. On est mardi soir. Oui. Je pensais que toute la journée j'étais persuadé qu'on était mercredi, mais pas du tout. On est mardi soir et on est super content de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien, toutes bien les filles. N'hésitez pas à nous appeler toute la soirée, comme je le disais à JB. C'est une vraie émission de libre antenne qu'on fait chaque soir. C'est une émission différente. Hein. C'est une émission où vous pouvez vraiment parler ici à la présence d'un médecin. Pareil, je suis là. Salut. Dans l'émission, tu es à tous, oui. Tu es un vrai médecin, Doc. Oui, non, c'est pas pour de faux. Oui. Moi, je suis pas. C'est vrai qu'à la radio en général. T'as beaucoup d'arnaques, des mecs qui disent des tas de choses qui sont, en fait qui ne le font pas quoi, qui sont mythos. Absolument. Moi je suis bien dur, bien présent. Tu es bien dur. Ah, ouais. la grande nouvelle à ce soir. Doc est bien dur. En général le soir quand je me couche, oui. Ah oui voilà. Bah, ça ne m'étonne pas. Ce soir on se lâche, on se dit tout dès le début. Hein. C'est-à-dire que Doc vient de nous dire qu'il bandait bien dur le soir. Hein. Voilà. Je disais que j'étais bien présent, bien dur, bien concret. Bien sûr, Doc, bien sûr. Je m'appelle Karel. Alice est avec nous. Bonsoir Alice. Salut. Bon Alice, c'est vrai. Qui se permet voilà, de prendre un petit peu d'eau, un petit peu de café. Tu vois, c'est Godefroy à la réa qui m'a dit: est-ce que tu veux un verre d'eau? Si gentiment, je lui dis bah oui, avec plaisir. Et puis bam, tu vois, ici, retour de karma. On se sent comme à la maison aussi. Oui. On est dans notre chambre et on fait de la radio avec vous. C'est exactement ça. Venez vous coucher dans notre lit hein, ce soir, 01 42 48 5000. Je vais aller dans le tien, débrouille-toi. Il n'y a pas de problème. Je prends. J'ai un grand lit. Bien sûr, Kassim est avec nous. Kassim, le producteur de l'émission. Ouais. T'as préparé l'émission aujourd'hui? Ouais, j'ai passé une super bonne journée avec Doc. Qu'est-ce que t'as fait avec Doc? On est à une conférence, c'était génial. Mais c'est la grande, tu sais, c'est le lancement de la grande semaine cyberharcèlement avec le conseil régional et tout ça. Absolument. Kassim était là et même, voilà, on est partenaire, donc j'ai parlé un peu. On a cité Kassim. Ouais. Oh. Grâce à Kassim. Est-ce qu'on l'a applaudi à un moment donné, non? À la fin, oui, c'était pour les deux. Ah ouais. Et il a géré la tribune et tout, il parlait bien, il a parlé pendant 10 minutes, hyper longtemps. Mais les gens s'endormaient à cause de moi. C'est comme d'habitude, hein. Doc est un grand parleur, est un grand orateur. Bien sûr, on a Godefroy à l'AREA. J'ai reçu des messages hier d'une auditrice qui me disait que je ne complimentais pas assez Godefroy, qui faisait une belle réalisation. Mais c'est juste parce que des fois, il est à chier. Hein. Enfin, on peut pas. Hein. Bien sûr. Seigneur Godefroy est très bien. Mais sinon, il serait pas là. Je vous le dis tout de suite. Et au standard, on a deux bombes qui décrochent le téléphone pendant toute la soirée, qui vous parlent bien sûr et qui vous chouchoutent. C'est Guillaume et Cindy, 01 42 48 5000. On va tout de suite accueillir celui qui va faire l'émission avec nous pendant les deux heures. C'est l'auditeur du soir. Si vous aussi d'ailleurs voulez être auditeur du soir, on a de plus en plus de demandes. N'hésitez pas, ça se passe au standard 01 42 48 5000. On envoie un petit mail aussi, loveinfun@funradio.fr. Ce soir, c'est Alexandre. Bonsoir Alexandre. Salut. Salut Doc, salut Karel, salut Alice. Ça va mon poteau? Il est un petit peu stressé, je pense, Alexandre. Ouais, c'est normal. Vas-y, décontracte-toi, pète un coup, mon Alex. c'est fait. Eh ben voilà, tu vois, et tout de suite, on se sent mieux. T'as 14 ans, t'es à Tulle encore, reste un fidèle éditeur, toi, t'écoutes tous les soirs? J'écoute tous les soirs. Eh ben, sois le bienvenu ici ce soir. Si t'as un truc à dire, tu veux lâcher, voilà, une petite caisse ou lâcher un truc à l'antenne, tu peux te le permettre. Je pense qu'il y a mieux à faire quand même pour s'exprimer, non? Oui, aussi, ouais. Oh, il y a différents moyens de s'exprimer. S'exprimer avec son anus, c'est quand même un peu limité, non? C'est une manière différente, oui, de dire les choses. On va accueillir Romain. Romain, il a 18 ans, il est de Maubeuge. Bonsoir, Romain. Eh ben, bonjour à vous. Comment ça va? Ça va pas mal. Romain, t'es où toi là, Romain, là? Ah bah là, je suis dehors, je suis à l'extérieur, à 5 degrés, tranquille. D'accord. Dans le Nord. Eh ben dans le Nord, exactement. Ça fait plaisir d'avoir un ch'ti avec nous. Romain, tu nous appelles pourquoi ce soir? Ah bah aujourd'hui, j'ai un petit problème, c'est qu'en fait, c'est une amie qui me plaît depuis août, début août. Et en fait, je sais pas comment lui dire. J'ai déjà fait quelques attentions sur par message, tout ça. J'ai même fait son CV, tout ça. Et vraiment, elle me plaît. Je pense que je lui plais. Le problème, c'est qu'elle a eu, un mec. Et aujourd'hui, ça va plus trop avec son mec, donc j'aimerais savoir si vous voulez sortir avec moi. Elle est en couple? Pour l'instant, c'est compliqué avec elle. Mais qu'est-ce que t'en sais? Elle t'a fait des confidences? Alors, elle m'en a parlé. Elle m'en a parlé. D'accord. Justement, je veux pas briser un couple comme ça. Bravo. Enfin, tu veux l'appeler pour sortir avec elle? C'est ça. Je ne veux pas briser un couple, mais s'il y a moyen de la niquer, enfin, je veux dire, de faire l'amour avec elle. Non, de sortir avec elle. Non, il est amoureux. T'es amoureux un peu? Là, je suis en mode in love sur elle. Ouais. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Et c'est-à-dire que t'as des papillons dans le ventre quand tu la croises, quand tu lui parles. Bah, disons que le problème, c'est la distance. Elle habite du côté de Valenciennes, j'habite du côté de Maubeuge. Bon, après, Attends, train, bon, c'est vrai on qu'à a pied. Jamais eu l'occasion de vraiment se voir. À pied, c'est loin, mais enfin, bon, il y a le train. Oui, il y a le train, la voiture. En plus, t'es majeur, Romain, t'as ton permis ou pas? Ah, aujourd'hui, j'ai eu le code. Eh ben, bravo, félicitations, applaudissements pour Romain. Romain, le matin, résultat, le soir, bim. Eh ben, dans la même journée, tu vas avoir le code et tu vas avoir une nouvelle meuf. C'est tout ce qu'on te souhaite. Eh ben, j'espère bien parce que, punaise, c'est pas ma première. Hein. On va l'appeler. On va l'appeler, elle s'appelle Tiffany. Ce soir, tu vas te déclarer. C'est la première fois que tu lui dis. Hein. Oui, c'est vraiment la première fois que je lui ai déclaré à l'oral, au téléphone. D'accord. Eh ben, c'est parti. Il a eu l'écrit avec le code ce matin, à l'oral ce soir. Exactement. On appelle Tiffany. On est derrière. On va t'aider si jamais on te sent en galère. D'accord? D'accord. Merci. Ah, je t'en prie, Romain. Bonne chance. Voilà. Allô? Allô, oui. Bonjour, Tiffany. Oui. Je pense que tu me connais, c'est Romain, ça va? Ça va et toi? Et là, tu as fait un inconnu? Bah ouais, je sais, mon téléphone, il a tendance à déconner, bah, c'est pas de ma faute. C'est parce que là, tu vois, tu connais, je t'avais déjà dit, le réseau, il déconne dans mon village. Non. Donc là, du coup, je suis à l'extérieur, 5 degrés dehors, tranquille, pour te téléphoner. Non. Bon, je voulais te parler. Ouais, bah merci beaucoup, je sais que ça... Bon, allez, t'as vu, dans la même semaine, hein, quasiment. Toi, tu l'as eu mardi dernier, c'est ça? Non, lundi. Oh, lundi, bon, allez, à un jour près. Non, mais sinon, ça me fait plaisir de t'avoir au téléphone. Bon, écoute, je voulais te parler un peu sérieux, parce que je sais que enfin, tu me plais, voilà. Et aujourd'hui, j'aimerais savoir quoi, au niveau, qu'est-ce que tu as pour moi, qu'est-ce que tu ressens? Sérieusement, je ne sais pas, Romain. Bon, au moins c'est clair. Mais sérieusement, j'en sais rien, tu vois, parce que je suis en couple et tout. Ouais, bah ouais, mais après tu m'avais dit que c'était compliqué et tout ça. Donc, ouais, c'est compliqué en ce moment. Mais bon, après toi, tu sais que tu me plais, tout ça. Ouais, je sais. Ouais, c'est compliqué pour moi déjà de faire cette démarche-là, t'appeler, tout ça. Donc voilà, après. Faut pas que tu lis, hein. Il aime tes petites fesses, Tiffany. Arrête, Karel. Ça va, c'est bon, je détends l'atmosphère. Hein. Pas vraiment, là. Oh, mais si, on va détendre, on va détendre. Ça bonsoir, va. Bonsoir, Tiffany. Salut, Tiffany. Ça va, Tiffany? C'est qui? Bah, c'est Karel et Doc, t'es en direct sur Fun Radio, là. Ah. Eh ouais. Moi, je fais les choses en grand, Tiffany. Hein, eh ouais. Et Romain veut vraiment faire ça, utilise des grands moyens, ouais. On va dire, pour les choses telles quelles, pour déclarer sa flamme. Ouais. Oui, je vois ça. Et toi, t'as pas l'air sûr de toi. Même avec ton mec, j'ai l'impression que c'est pas non plus la folie, quoi. Quelle réponse tu peux donner, là? Faut attendre, c'est non, c'est quoi? J'ai pas compris. Non, mais quelle réponse tu peux donner à Romain? Je ne sais pas. Parce qu'en fait, Romain, c'est genre pour toi un bon copain ou c'est un mec quand tu lui parles et tout, je sais pas, il y a un petit truc, quoi. Il y a un petit truc, il y a... C'est un ami. C'est un ami. Ah, t'es pas amoureuse de lui, pour être très clair maintenant. Bah, c'est un ami, je le connais depuis peu. Ah, d'accord. Donc, il te faut du temps. Oui. Mais est-ce que c'est un ami avec qui tu pourrais coucher plus tard? Non, pas dit ça. Non, bah, c'est un ami. Il est fou, lui. Ah, oui. Faut arrêter de jouer l'hypocrisie. Hein. Et Tiffany, est-ce que Romain peut encore espérer ou pas? Bah, oui. Ah, tu poses pas les bonnes questions. Oh, bah, ça va, c'est si bon. Après ils vont me faire des bisous et puis après ils vont faire le truc. Oui mais, alors donc voilà, il peut espérer. Bah, il Romain, j'ai un conseil à donner. Laisse venir, ne lui mets pas la pression. Plus tu lui mettras la pression. Surtout c'est ça que je m'impose. Déjà ce soir, j'avais hésité à vous contacter pour que ça prenne mal que. Il faut qu'il attende, Tiffany, hein, c'est ça? Oui. Voilà. D'accord. Et Tiffany, t'es sur le cul, hein. T'es en direct sur Fun Radio, tu dois te poser plein de questions, je comprends. Mais dis-toi juste une chose, c'est que Romain, il a été jusque-là, quoi. C'est dingue de faire ça pour une nana. Hein. Donc ça veut dire qu'il t'apprécie énormément et qu'avec lui, a priori, il va se passer des choses assez extraordinaires. Bah, je trouve que Tiffany est très honnête, parce qu'elle dit qu'elle est encore en couple, ça va peut-être pas bien, mais elle veut, elle veut pas mélanger les dossiers, comme on dit, n'est-ce pas? T'as raison, Tiffany, t'as raison. Avant de tester, hein. De toute façon, il faut être clair. Et nous, on veut pas, on veut pas foutre la merde non plus dans ton couple, Tiffany. Il y a des choses sûrement à régler avec ton mec avant de commencer à penser à une histoire avec Romain, peut-être. Mmh. Voilà. Bon. Et voilà. C'est très clair. Elle est pas mal cette soirée finalement, Romain. Elle se termine bien. Une belle journée. On va te repasser Tiffany en antenne et on vous envoie des capotes, les amis. D'accord? Un peu que le Wilson ira. Oui, il y a les capotes à l'intérieur. Il n'y a aucun problème alors. Ok, Salut Romain. Finalement, il finit par prendre. Hein. Salut les. Enfin, j'allais dire les amoureux. Salut les futurs amoureux. Ciao, ciao. Allez, bonne soirée à vous tous. Salut, gros bisous à tous les deux. Et Mathieu nous rejoint sur Fun Radio. Il a 18 ans de Paris. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir, toute l'équipe. Salut à toi. Mathieu, t'appelles pourquoi, toi? En fait, j'ai un micro-pénis et j'aimerais savoir si je peux donner du plaisir à une fille, quand même. D'accord. On va mesurer tout ça. Ouais. Le micro-pénis dans un instant. C'est vraiment tout petit, hein, un micro-pénis. On en parle dans un instant. Et on va écouter Siba et Grace sur Fun Radio. Vous écoutez Fun, c'est Love in Fun. Suivez-nous sur Facebook. La page Love in Fun. La radio numéro 1 sur les nouveautés. New music. C'est Fun Radio. Felix J. I am the bonfire. Hi, it's Zara Larson on Fun Radio. Feder. It's the Chainsmokers on Fun Radio. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Entretenir un violon, ça se fait chez un luthier. Entretenir une montre, ça se fait chez un horloger. Entretenir une BMW, ça se fait chez BMW. Jusqu'au 25 novembre, profitez de l'expertise du réseau après-vente BMW à prix préférentiel sur les pièces de freinage, la vidange et les balais d'essuie-glace. L'entretien de votre BMW mérite un expert BMW. Offre soumise à condition, valable jusqu'au 25 novembre sur une sélection de modèles chez les réparateurs agréés BMW ou sur BMW.fr. À votre avis, ça coûte combien de se faire livrer à domicile et à volonté toute l'année? 49 euros? Et non! Sur Cdiscount, c'est seulement 19 euros. Avec Cdiscount à volonté, faites-vous livrer dès le lendemain et ça toute l'année, autant de fois que vous le voulez, des millions de produits pour seulement 19 euros par an. Cdiscount? Vous êtes plus riche que vous ne le croyez. Offre pour toute commande supérieure à 25 euros, soumise à condition, consultable sur Cdiscount. Fun Radio présente I Love Techno Europe, samedi 10 décembre, au Parc des Expos de Montpellier. I Love Techno. Retrouvez sur scène Laurent Garnier, Masséoplex, Vitalik, Ben Clock, B2B, Marcel Detman et bien d'autres. Infos et réservations, point de vente habituel. ilovetechnoeurope.com et funradio.fr. I Love Techno. I Love Techno Europe avec Fun Radio. Descend Dance Floor. Oui, c'est exactement ça, Droppy. T'as tout compris.

20h, 22h, avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Et je vous le dis, on va se faire plaisir ce soir avec un maximum de bons sons. Notamment, on écoutera The Parakeet avec Save Me. On écoutera ça aussi. Sia, The Greatest sur Fun Radio. J'adore ce son. Et j'aime faire la chorégraphie de temps en temps dans le bureau. Ah ben oui. Salut tous les bienvenus, c'est Nenor Jean, c'est Love in Fun tous les soirs. Je m'appelle Karel, il y a Doc qui est là bien sûr. Et les messages d'Alice à tout moment pendant l'émission. Alice, on a reçu beaucoup de messages, je crois encore, sur Facebook et sur Twitter. Exactement, un petit message de Lou sur le hashtag Love in Fun. Mes soirées sont parfaites grâce à vous. Merci d'être là pour nous. Et un autre message de Karim qui se pose un peu des questions. Il a entendu dire que certaines personnes pouvaient refiler exprès le sida à d'autres personnes avec une seringue. Et il se demande si c'est vrai cette histoire. Ça peut arriver, oui. Il y a même des gens qui ont été condamnés pour cela, et fort heureusement d'ailleurs, qui savaient parfaitement qu'ils étaient séropositifs et qui ont eu des relations sexuelles sans se protéger et sans prévenir évidemment le partenaire. Et c'est une tentative de meurtre le truc. Ça a été condamné très sévèrement. Bien sûr, il y a des gens qui peuvent agir comme ça, oui. Ouais. T'es complètement malade. Hein. Oui, dans tous les sens du terme. 01 42 48 5000, on a Mathieu qui est avec nous. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Karel, bonsoir le Doc, bonsoir toute l'équipe. Salut à toi Mathieu, t'as 18 ans, t'es de Paris, je trouve courage de nous appeler ce soir parce que on reçoit souvent des messages comme ça et ces personnes qui ont ton problème, on va dire que c'est un problème, n'osent pas trop comme ça témoigner. Vas-y, explique-nous tout Mathieu là ce soir. Alors en fait j'ai un micro-pénis et j'aimerais savoir si je pouvais donner du plaisir à une femme. Et si on mesurait, il mesure combien au repos? En repos, franchement, je ne l'ai pas mesuré, mais je peux te dire que je ne le vois presque pas. D'accord, ok. 1-2 cm. Mais en érection? 5. Oui. C'est ça un micro-pénis, Doc? Tu mesures comment? Oui. Tu mesures comment? Bah, j'appuie, je mesure dès la base jusqu'à la pointe, jusqu'au bout. D'accord, ouais. Au niveau du pubis, de l'os, c'est ça? Ouais. Et t'es sûr que t'étais en bonne érection? C'était pas 8-10? Ouais. Non. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est un micro-pénis. Alors, j'ai pas de solution à te donner comme ça. C'est sûr, bon, voilà. Après, il y a le diamètre qui compte. Est-ce que tu as déjà vu un médecin? Non, pas encore. Justement, je vous appelle. Vous êtes ma première solution, quoi. Un chirurgien, déjà, pour évaluer ça. Est-ce que tu as des gros testicules ou pas? Oui, ça va. Ouais. Est-ce que tu éjacules? Oui. D'accord. Et ça fait longtemps? J'ai cette taille depuis mes 14 ans, quoi. D'accord. Et jamais t'avais été voir un médecin, jamais tu t'es dit, putain, par rapport à mes potes, elle est plus petite que les autres, tu t'es jamais posé de questions? Franchement, non. Donc je me confie à vous, aujourd'hui. Tu mesures combien? 1m72. D'accord. Et t'as pas eu de copine? Non, justement, je suis vierge. D'accord. Tu es vierge. Est-ce que tu as des poils un peu partout ou pas? Oui, j'ai des poils, ouais. D'accord, ok. Écoute, là, moi, je ne peux pas te donner de solution, évidemment. Les rapports sexuels, tout est possible. Hein. On peut donner du plaisir à une femme avec sa bouche. Donc, le problème n'est pas une question de taille. Disons-le, Doc, moi, je te pose la question. Est-ce qu'avec un sexe de 5 cm, on peut donner du plaisir à une femme? Oui, parce que c'est le clitoris qui compte. D'accord. Voilà. Alors, voilà. Bon, ça peut, en revanche, te traumatiser un petit peu et surtout traumatiser la fille. Entre guillemets, voilà, si elle a l'impression que tu ne peux pas la pénétrer. Ce qui, à mon avis, n'est pas le cas. Mais je pense qu'il faut que tu vois un médecin pour qu'il évalue ça exactement. D'accord. Au millimètre près, c'est le cas de le dire, et voir ce que l'on peut faire pour toi. Okay, ouais, je pose la question, hein, s'il y a des filles qui veulent réagir, peut-être qu'il y en a qui se sont déjà retrouvées voilà, devant un pénis qui était plus petit que les autres. Et est-ce que pour vous, ça peut être un gros problème ou au contraire, voilà, ce qui compte, c'est surtout d'aimer son mec et puis on peut aussi prendre du plaisir. Toi Alice, t'es déjà tombée sur un tout petit sexe comme ça? Non, ça m'est jamais arrivé, mais je suis pas sûre que ça me pose vraiment du souci. Après, si je vois que le mec est vraiment pas en confiance à cause de ça, peut-être que c'est là où moi je vais me dire, il le sait déjà qu'il va pas assurer en fait. Mais je pense que s'il a confiance en lui, et puis voilà, comme l'a dit Doc, c'est pas uniquement avec son pénis qu'on peut procurer du plaisir à une femme, donc je suis pas sûre que ça pose des problèmes. Alexandre, notre auditeur du soir, t'as entendu là ce que nous a dit Mathieu? Qu'est-ce que t'en penses toi? Bah moi j'aurais une solution, c'est bah utilise tes mains pour la faire grandir quoi. Pour la faire grandir. Tire dessus quoi. Ah oui non mais alors ça ne fonctionne pas cette technique. Et tu sais ah putain j'ai vu un truc de dingue sans déconner. C'est-à-dire que t'as un mec genre c'est en Inde ils font des trucs de ouf. Hein. Il avait mis un énorme poids sur sa teub. Oui. Et tu vois la teub qui mesure, mais je sais pas combien, quoi. Mais c'est parce qu'ils arrivent à soulever, c'est une sorte de record. Genre, le mec qui arrivera à soulever le plus de poids possible avec sa teub, c'est assez impressionnant. Et, est-ce qu'on peut s'allonger le sexe, Doc? Parce que moi, je visite parfois des sites et je tombe sur des oui, voilà. On me propose d'allonger mon sexe. Non, d'abord, c'est une bêtise phénoménale. En général, oui, c'est des gens qui ont des sexes de taille normale. Donc, ça devient ridicule d'imaginer que plus on a un gros sexe, meilleur on est. Non, ça n'a rien à voir. Mais j'ai entendu dire qu'on pouvait ajouter de la peau, des choses comme ça, non ? Oui, de la graisse sous la verge pour augmenter le diamètre. Et puis, il y a des gens qui pratiquent des interventions qui permettent de rallonger la verge. En fait, la verge va s'insérer sur le pubis, donc fait un arc de cercle en arrière pour remonter. Donc, si tu désolidarises cette attache, tu vas rallonger le sexe. Mais bon, tout ça, c'est vraiment parfois un peu stupide et ridicule, et pas justifié en tout cas. D'accord. Bon, bah écoute, Mathieu, t'as eu ta réponse, j'espère que t'es quand même content. Oui, mais j'aimerais savoir s'il y a des capotes pour les micro-pénis ou pas du tout. Bien sûr que ça existe. C'est même Enrique Iglesias, je crois, qui a sorti une marque de capotes parce que lui est victime justement de ce problème. Ouais. C'est vrai. Et justement, pour éviter que d'autres personnes se sentent mal à l'aise par rapport à ça, il a décidé d'assumer et de sortir une marque pour les micro-pénis. Voilà, cool. Exactement. Iglesias Capote. J'ai pas le nom en tête, mais tu devrais trouver facilement. Non, mais effectivement, ça existe. Hein. Tu trouves ça tout de suite sur Internet, c'est les préservatifs petite taille. D'accord ? D'accord. Bon, et tu sais quoi ? On va essayer de t'en trouver un petit paquet, de t'en envoyer à la maison, d'accord ? Merci. Je peux avoir un pack fun ? Ouais, vas-y Mathieu, tu raccroches pas, on t'envoie ça, bien sûr. Salut bon à toi Mathieu. Salut. Gros bisous à toi aussi. Et Valentin est avec nous, 19 ans de Blois. Bonsoir Valentin. Bonsoir Karel, bonsoir toute l'équipe. L'appel à l'aide avec toi Valentin, et dis-nous pourquoi on peut t'aider ce soir. Disons que j'aimerais que vous m'aidiez à trouver une entreprise. Ok d'accord. T'as combien de jours là? Tu nous laisses combien de temps? 3 jours. Ah bon putain, la pression tu sais, t'as 3 jours pour nous... C'est quoi, on va essayer de la trouver ce soir, d'accord? C'est cool, merci. On en parle dans un instant au standard 01 42 48 5000. Et en attendant, on va s'écouter l'un des tubes qui va nous rappeler les bons moments là qu'on a passé cet été. Voici Ken Jones et Don't Mind sur Fun Radio. She's telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, don't matter to me. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go. You know I love her, mom. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go. You know I love her, mom. African American, for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go. You know I love her, mom. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go. You know I love her, mom. She from Africa. But she fuck me like she Haitian. Ass black, but the eyes looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candid camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali. I never disown her. She got that high grade. Her weed come with diplomas. I want her. But she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. And she said ça passait. And I said na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said hola, como esta. She said konnichiwa. She said bon de my French. I said bonjour, my dad. Then she said ça passait. And I said na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said hola, como esta. She said konnichiwa. She said bon de my French. I said bonjour, my dad. Then she says I bought it, and I said na boule. No matter where I go, go. You know I love 'em all. She said hola, como esta. She said konnichiwa. She said pardon my French. I said bonjour, my dad. Then she says I bought it, and I said na boule. No matter where I go, go. You know I love 'em all. Ken Jones, Don't Mind sur Fun Radio. Jusqu'à 22h. Love in Fun. Appelez Doc, Karel et Ali. 01 42 48 5000. C'est Love in Fun sur Fun Radio. On est en direct hein, tous les soirs. D'ailleurs, on est filmé chaque soir. On est, je crois, la seule émission qui se filme tous les soirs. Vous pouvez mater l'émission quand vous le voulez. On est là tous les soirs, du dimanche au jeudi, de 20h à 22h. Et si vous voulez justement mater un petit peu nos beaux visages, n'hésitez pas. Ça se passe sur le site de Fun. T'es modeste, toi. Funradio.fr. Bah, ça, on va pas dire qu'on a des sales gueules non plus. C'est pas parce qu'on fait de la radio qu'on n'est pas beau. Je veux dire, regarde-moi cette équipe, quoi. C'est incroyable. Ouais. Bon, c'est vrai que, bon, toi, Doc, en ce moment, je sais pas, tu as quelque chose, hein, j'ai remarqué. J'ai quoi ? Tu as le visage de l'amour. Ah oui, bien sûr. Hein, j'ai quoi ? Il a eu peur. Il a eu peur. Ah non, je me doute. Je quoi ? C'est qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que tu vas me dire ? T'as un peu de bave là, Doc. Non, je déconne, N'hésitez pas en tout cas, funradio.fr ou directement sur l'application Fun Radio à télécharger sur les portables. On va lancer l'appel à l'aide là maintenant avec Valentin. Valentin, il a 19 ans, il est de Blois. On va avoir besoin de vous là, vous tous qui nous écoutez. C'est ça l'appel à l'aide justement. C'est... Alors, on fait appel à toute la communauté Fun Radio, toute la famille Love in Fun. Valentin, t'es là ? Oui. Salut Valentin, t'as 19 ans, t'es à Blois, il va falloir te vendre mon pote, hein, parce que là maintenant, c'est à partir de ce moment-là que les gens vont nous appeler. Hein. Raconte. Qu'est-ce qui se passe Valentin ? On veut tout savoir. Alors en fait, je suis en DUT, et j'entame donc ma deuxième année depuis septembre, et il se trouve que je peux faire ma deuxième année en apprentissage. D'accord. Sauf que j'ai pas trouvé d'entreprise pour faire mon apprentissage. T'apprends quoi ? Je suis dans un DUT qui s'appelle DUT métier du multimédia et de l'internet, et du coup je recherche plus un apprentissage qui tourne autour du développement web. D'accord. Bah écoute, on va t'employer là. Attends, tu fais pas des visuels sur internet parce qu'on a besoin de quelqu'un? Ah oui, on a besoin de quelqu'un. Ouais, on galère un peu là. Mais... Hey, stagiaire en plus, on le paye pas, c'est ça? Ah ouais. Bah attends. Si, apprentissage, non, j'ai payé. Non mais attends. Je pense bien que je décode. Bien sûr. Comme on est dans le milieu de la radio, c'est une habitude quelquefois dans certains endroits. Dans ah oui, c'est radios, vrai, c'est vrai. Où on paye pas les gens. Ah, c'est la passion du métier. Degré, voilà. On paye dessus, au prestige. Mais bien sûr. Non, mais sérieusement, Valentin, il se trouve qu'on recherche quelqu'un. Ouais. C'est vrai, c'est la vérité. Tu fais quoi, toi ? Non, mais peut-être que ce sera pas possible avec nous. Donc, on parle aussi à tous ceux qui seraient intéressés. Qu'est-ce que tu pourrais faire ? Bien l'employé. Qu'est-ce que tu pourrais faire dans une entreprise, toi ? Mais alors c'est vrai que en fait mon DUT il est assez général, on fait beaucoup de choses, on fait pas, moi là je suis plus intéressé par le développement web, mais on fait beaucoup de choses, on fait de l'infographie, on a fait de l'audiovisuel, on fait de la communication, donc on fait pas mal de choses en fait au final. Bon, c'est toi, que... c'est parce que ouais, non, bah, Valentin sans déconner, ce qu'on est-ce que faire... tu veux bien déménager t'habites où là, à Blois? Non, alors en fait moi là je suis, enfin j'ai un logement à Blois quand je suis en l'IUT, ouais. Mais là du coup je suis chez mon père qui est où, qui habite à Tours. Ah oui. Moi, ça va, Alice doit avoir une chambre pour te loger, c'est bon. Non, mais au-delà de ça, donc ce serait du côté de Blois et de Tours, c'est ça, hein ? Blois, Tours ou Orléans. Blois, Tours, Orléans, d'accord. Et tu cherches donc une entreprise. C'est quoi la base salariale, là, en fait ? Quand tu es, c'est pour être stagiaire, c'est ça ? Ou un emploi plein. Alors en fait, c'est de l'apprentissage, c'est un contrat d'apprentissage où en fait, je suis en à peu près 15 jours à l'IUT et 15 jours à 3 semaines en entreprise. Et okay. Ça coûte, alors on va être très clair, ça coûte combien l'entreprise ? L'entreprise, en fait, je crois qu'il y a un taux et c'est 49% du SMIC pour moi. D'accord, c'est la moitié du SMIC. Oh, attends, on va l'employer. Bon, à voir, pourquoi c'est pas. C'est à Blois. Hein. Ouais, non, mais c'est à Blois. Tu serais prêt, ben non, 15 jours, tu serais prêt à venir à Paris ? Donc, oui, oui, pourquoi pas. J'avais pensé, effectivement, moi j'avais cherché des entreprises sur Tours, sur Blois, sur Orléans, j'avais pas trop trouvé. Car du coup, il est gonflé. Mais attends, on est rebelle ou on n'est pas rebelle ? Si tu veux, moi, il n'y a pas de souci. Hein. Appelle un patron de la radio. On appelle Lucas ? Ouais. On appelle Lucas, on va demander. D'accord ? Voilà. D'accord. Ah, Valentin, ça se passe comme ça chez Fun Radio. J'ai envie de te dire. On va pas le gêner, non, mais pourquoi pas. Moi, je veux dire, c'est vrai, on cherche quelqu'un en ce moment. Voilà. Alors, comme ils veulent pas nous payer, en fait. Ça peut être une possibilité. Voilà, peut-être qu'un stagiaire passerait. Bah, bien sûr. On a Valentin, l'appel à l'aide, c'est parti. On appelle notre directeur d'antenne, Valentin. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Hein, je ne sais pas d'ailleurs. Alors. Allô. Lucas. Oui. C'est Karel. Oui, Karel. Ça va? On est... Oui, ça va. On est en... Oh, je te dérange. T'es où? Mais non, pas du tout, j'étais heureux, j'ai des numéros masqués qui m'appellent à cette heure-là. Bah, et c'est, ouais, c'est bien, ça peut être que nous. Hein, alors, on est en direct. C'est nous ou la police? Ouais, bah, ça, j'ai bien compris. On est en direct. Ouais. On est dans l'appel à l'aide, d'accord? Oui. Et on a Valentin, il a 19 ans, il est de Blois, et il est en galère parce qu'il rentre en deuxième année, et en deuxième JT. Année de DUT, métier du multimédia et de l'internet, tu vois? Ce dont on a besoin en ce moment, c'est top. C'est marrant, ça. Il nous dit que s'il a pas son stage, il ne pourra pas valider son année, etc., sa troisième année. Donc nous, on s'est dit, mais pourquoi on ne le prendrait pas? Mais oui, c'est une bonne question. Ah, ben bah voilà, il a dit oui. Il a dit, bah voilà. Raccroche. Je dis, c'est une bonne question, mais quelle est la durée du stage? Quelle est la période? Valentin, je te présente Lucas, notre directeur d'antenne. Oui. Ah, directeur des programmes. Ah, mais directeur des programmes, pardon. Vas-y, ouais. Ça fait rien. T'es directeur de quelque Bonsoir, chose. Bonsoir, Lucas. Salut, Valentin. Alors, en fait, moi, je suis à l'IUT, je prépare un diplôme, donc un DUT, qui tourne autour des multimédia de l'Internet. Et en fait, j'ai la possibilité d'effectuer ma deuxième année en apprentissage, ce que je souhaite faire, sauf que pour l'instant, j'ai pas trouvé d'entreprise du tout. C'est jusqu'au mois de juin, ça? C'est une alternance, c'est 15 jours et 15 jours? C'est ça, à peu près ça. Parce que ouais. des fois, c'est un peu plus, c'est 15 jours à l'IUT et 3 semaines en entreprise. Mais bon, globalement, normalement, c'est 15 jours. Et géographiquement, t'es où? Ils peuvent venir à Paris sans problème. Ouais. Vous avez Doc l'héberge. Qui pouvait venir. Doc va l'héberger, ça va être son fils avec Katoche. Ouais. Mais... il peut répondre à la question, il n'a pas répondu. Non, mais parce qu'il nous l'a dit tout à l'heure, donc c'est pour ça. Mais vas-y, Valentin, est-ce que tu peux te déplacer à Paris? Oui, c'est possible. Ah. J'ai de la famille sur Paris, donc voilà. Je peux aussi me débrouiller avec ma famille. Super. Et aujourd'hui, ton IUT est où? Mon IUT, il est à Blois. Très bien. Dans le 41. Ok. C'est bien le 41 quand même. On a plein d'auditeurs là-bas. Bien. Fais gaffe. Bon, mais évidemment, je suis du 45, on se calme. Ah bon. Donc, c'est donc ça qui était un peu condescendant. Alors, tu vois, les mecs du 45 sont un peu condescendants avec ceux qui sont un peu plus bas dans le 41. Alors, ouais, pas du tout. On a 3 jours. On a 3 jours, c'est ça ce que tu nous as dit, Valentin. 3 jours et pour se décider. C'est marquant, Valentin. Voilà. Alors en fait, il se trouve que les apprentis ont déjà commencé. Ceux qui ont déjà trouvé une entreprise ont déjà commencé depuis lundi de la semaine dernière, depuis le 19. Et en fait, ceux qui n'avaient pas trouvé avaient jusqu'à fin septembre pour trouver une entreprise, sinon ils repartaient dans un cursus trois jours. Standard. Ouais, mais bon, c'est vrai que moi j'avais demandé l'apprentissage et que je souhaite vraiment, si possible, faire mon année d'apprentissage. Et pourquoi t'as pas trouvé? Bah, j'ai cherché, mais les entreprises, soit elles prenaient pas, soit là j'attends encore une réponse d'un entretien que j'ai passé, mais bon, je suis pas du tout sûr que ce soit bon. Donc du coup. Soit les entreprises étaient trop petites, soit elles prenaient pas, soit les compétences, ça leur allait pas exactement. Enfin, bon, alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va caler un rendez-vous d'ici vendredi soir et puis on va voir si ça peut marcher. Parce que oui, vendredi soir, c'est le 30. Hein. Ouais, c'est ça. Parce que on fait pas de chèque en blanc. Tu vois ce que mais je non, veux dire. Mais j'ai pas dit ça. Ah, mais il est chaud, Doc, je te le dis, Lucas, ce soir. Ah ouais, Doc, il est au taquet. Il est chaud. Non, mais alors, c'est génial. Donc, Valentin, l'équipe de Love in Fun va me donner tes coordonnées. Ouais. On va faire un entretien comme tout entretien avant engagement, en stage, en emploi ou autre. Et on essaie de faire ça avant vendredi pour voir si on peut trouver une solution ensemble. Mais j'adore Fun Radio. Dire là au téléphone, oui, on y va pour faire un. C'est normal, c'est normal. C'est normal. Maintenant, bien sûr. C'est pas possible. Bien sûr. Il adore la radio, il adore Fun Radio, ouais. Il adore Love in Fun, il connaît par cœur. Ah oui, s'il vous appelle, c'est normal. Bah, bien sûr. Je te le dis quand même. On a tout de suite pensé à toi, Lucas. Donc voilà. Et ça m'étonne pas de toi. Il y a rendez-vous, tu vois, Valentin. Ça, c'est bien. Merci beaucoup. C'est quand même quelque chose de plutôt cool. Merci beaucoup, Lucas. On t'embête pas plus longtemps. Ça va. Qu'est-ce qu'ils vont encore inventer? Gros bisous. Au revoir, la vie. Salut Lucas. J'aimerais qu'on applaudisse notre directeur du programme. Bravo Lucas. Quel grand cœur. Il est formidable. Bravo Lucas. Voilà. Allez, génial. On t'aime. Moi aussi. Je vous aime. Salut Lucas. Ciao. Merci beaucoup. Et Valentin, écoute, voilà, l'appel à l'aide, on le résout comme ça là ce soir pour l'instant avec un rendez-vous. On va quand même parce qu'on sait jamais. On sait jamais. Il faut multiplier les rendez-vous. Exactement. Donc. Et t'auras une priorité sur Fun. Ouais. On lance aussi l'appel à l'aide là maintenant au standard 01 42 48 5000. Il peut se déplacer du côté de Paris. Il est à Blois, Tours, Orléans. Valentin qui cherche un stage en entreprise. Hein, c'est avant samedi. Ouais, avant samedi. N'hésitez pas à nous appeler si vous pouvez lui aussi lui filer un petit coup de main. 01 42 48 5000. Dans un instant, salut mon Valentin, c'est au courant. Hein. Je te le dis direct. Hein. On sera avec Teddy, 16 ans de Saumur. T'es là, Teddy? Ouais, salut. On va parler d'un truc assez dingue. Hein. C'est quoi toi, Teddy? Pourquoi t'appelles? Je veux parler parce qu'en fait, je fais des rêves lucides quasiment tous les soirs. D'accord, des rêves lucides. Okay. C'est-à-dire que tu prends conscience que t'es en train de rêver et du coup, tu peux faire ce que tu veux dans ton rêve, quoi. C'est ça. Qui concrètement est un truc génial. Hein. C'est juste ouf. On en parle dans un instant. Les rêves lucides. Dites-nous si vous connaissez. 01 42 48 5000. On écoute Sia. Un des sons clairement que je kiffe le plus en ce moment, c'était Sia, The Greatest sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Appelez Doc, Karel et Alice. 20h, 22h. Love in Fun sur Fun Radio. 01 42 48 5000, le numéro de téléphone pour nous appeler. Et Teddy qui est avec nous, la 16 ans de Saumur. Salut Teddy. Salut à tous. Salut. Salut Teddy. Je crois que Alice a cru qu'on était en pause. Elle s'est barrée là. Ça y est, elle est de retour. Salut à toi Teddy. On va parler de rêves lucides, c'est ça hein? Ouais, exactement. D'accord. Raconte qu'est-ce qui se passe la nuit pour toi. Donc ça fait à peu près un an. Donc la plupart du temps, quand je m'endors le soir, en fait, je me réveille, mais pas le matin, mais dans mon sommeil en fait. Je me réveille dans mon rêve. Quoi. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah après ça dépend parce qu'il y a plusieurs niveaux. Donc par exemple je me situe souvent au niveau 3, donc on est en rêve lucide, en fait on se rend compte qu'on rêve. Et en fait sauf que on veut avertir tout le monde, toutes les personnes qu'on croise dans son rêve, on veut leur dire, sauf que du coup on repasse directement dans un rêve basique comme tout le monde fait. Ok. Et ça m'est arrivé une fois ou deux d'être vraiment dans la plus haute phase, et là on fait vraiment ce qu'on veut, quoi. D'accord. Si on a envie de s'envoler, on s'envole. Ouais. On peut devenir Sangoku, Vegeta dans Dragon Ball. Exactement. C'est vrai que c'était connu depuis très très longtemps, ça. Les rêves lucides. Oui, c'était chez les bouddhistes au 7e siècle. Mm-hmm. Voilà. Ouais, mais c'est vrai, moi, j'en ai déjà fait, hein, vraiment, hein, pour le coup. Ah, ça a été étudié dans les laboratoires de sommeil, justement. Ces rêves lucides. Non, c'est intéressant. C'est vrai que les cinq sens peuvent fonctionner totalement, on peut quasiment contrôler. En même temps, ça reste un rêve, quoi. C'est une phase de sommeil dit paradoxal. Ouais. C'est particulier. Ce qui est assez dingue, en fait, c'est d'imaginer que finalement, souvent on fait des rêves assez dingues, etc. C'est qu'à un moment donné, tu te rends compte que t'es en train de faire le rêve. Ouais, et tu peux le diriger un peu. Et tu peux faire ce que tu veux dedans, quoi. Genre, si tu veux te taper, je sais pas moi, une actrice que t'adores, Angelina Jolie, c'est moi qui ai trompé avec Brad Pitt. D'accord, hein? Sauf que ça reste virtuel. Son vagin virtuel, elle est virtuelle. Sauf que quand tu rêves, t'as l'impression que c'est vrai, Doc. Ah oui, d'accord, oui. Tu vois? Donc, c'est ça qui est dingue, quoi. Et est-ce que tu notes tes rêves? Non, par contre, ça, je le fais pas. D'accord. Et t'as lu des bouquins, hein, pour commencer à dire qu'il y avait différentes phases, etc. Tu t'intéressais à ça un peu? Non, pas forcément. C'est juste que. Sur YouTube, il y a d'accord. Pas mal de vidéos qui en parlent. Okay. Parce qu'en principe, dans les rêves lucides, on s'en souvient. On se souvient de tout. Ouais, exactement. Ouais, par contre, on se souvient de tout. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on lance un appel à justement, parce qu'il y en a plein qui nous écoutent et qui sont comme toi. Il y en a qui connaissent pas les rêves lucides, mais il y en a qui ont peut-être réussi déjà à avoir une action comme ça dans leurs rêves. Et ça, c'est passionnant, je trouve. Hein. 01 42 48 5000. N'hésitez pas à nous appeler. On va continuer d'en parler dans un instant, les rêves lucides. On aura aussi Clara pour nous parler de complètement chose, le cyberharcèlement, c'est la semaine spéciale sur Fun Radio, oui. Love in Fun. Clara, t'as 20 ans, t'es de Perpignan. Bonsoir Clara. Salut Clara. Salut. Clara, ma chérie, t'es là? Bonjour. Bonjour Clara. Salut. Tu nous appelles, tu voudras témoigner sur quoi toi Clara? Donc moi je voudrais témoigner sur le cyberharcèlement parce que moi ça ne m'est pas arrivé, mais j'ai une amie qui malheureusement a mis fin à ses jours à cause du cyberharcèlement et ça fait mal. Eh ben, j'imagine bien, on va en parler dans un instant. Clara, tu restes bien avec nous. Si vous souhaitez réagir aussi là-dessus, n'hésitez pas. 01 42 48 5000. Et on va revenir avec The Parakeet. Save me sur Fun Radio. C'est Love in Fun jusqu'à 22h. Let the beat. Fun Radio est la seule radio à vous envoyer à Las Vegas faire la fête avec DJ Snake. Salut, c'est DJ Snake. Fun Radio, c'est ma radio. C'est ma radio. Dès que vous entendez le double fun. Double fun. Avec deux tubes de DJ Snake à la suite. Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous partez direction Las Vegas pour voir DJ Snake en live. Comment ça va ? Fun Radio. C'est le double fun sur Fun Radio. 3228. Service payant 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. Quand on aime, on ne compte pas. Mais avec Miniservice, quand on aime, on compte. On compte sur le savoir-faire des experts, on compte sur la qualité des pièces et grâce à des prix bas, on compte les économies réalisées. Et ça compte, non? Ceux qui aiment leur mini, choisissent Mini Service. Jusqu'au 25 novembre 2016, pour l'entretien et la révision, bénéficiez d'un tarif préférentiel sur une sélection de prestations d'entretien. Valable auprès de nos concessionnaires et réparateurs agréés Mini participant à l'opération. Liste disponible sur mini.fr. Mini. Imaginez-vous libre avec Boursorama Banque. Libre de joindre votre conseiller jusqu'à 22h. Et libre d'effectuer vos opérations bancaires 24h sur 24. Libérez des horaires en fait. Libérez-vous de la banque. Essayez Boursorama Banque. Boursorama Banque, la banque en ligne avec vous. Et en ce moment, 80€ offerts pour toute première ouverture d'un compte bancaire. Offre valable jusqu'au 12 octobre 2016. Détails de l'offre, des services et des horaires sur boursorama-banque.com. Fun Radio présente la Danone Nations Cup 2016. La plus grande compétition mondiale de foot pour enfants de 10 à 12 ans. Plus de 400 joueurs venus des quatre coins de la planète vont tenter de réaliser leur rêve en devenant champion du monde. Venez découvrir et encourager les talents du foot de demain, le dimanche 16 octobre au Stade de France. Bonjour à tous, c'est Zizou. Venez nombreux supporter les 32 équipes du tournoi. Et bonne chance à tous. Toutes les infos sur danonenationscup.com et funradio.fr. La Danone Nations Cup 2016 avec Fun Radio. Le son Dance Floor. C-E-A. Elle offre des réductions jusqu'à moins 50% et de quoi plaire à 100%. Des jupes pour les mamans et des t-shirts pour les enfants. Des robes habillées, des jeans décontractés. Elle

Ouais, je suis là. Je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Teddy nous a raconté que bah, depuis quelque temps, là, toutes les nuits, il arrive à prendre conscience qu'il rêve et donc il arrive à avoir une action dans ses rêves, c'est-à-dire qu'il peut diriger ses rêves. C'est ce qu'on appelle faire un rêve lucide, quoi. C'est un truc assez dingue. Hein. Et tu t'amuses à faire quoi déjà dans tes rêves lucides, Teddy, toi ? Plein de choses. Franchement, tout ce que j'ai pu faire, je l'ai fait. Vas-y, t'as fait quoi ? Vas-y, dis-nous. Une fois, par exemple, j'étais chez moi, j'étais en train de m'engueuler avec ma mère dans un rêve, je me suis envolé. Ouais. Et t'avais les sensations de voler, etc. Quoi, ça. Ouais. Le vent dans les cheveux, tout ça, ouais, franchement. C'est énorme. Ah, c'est ouf, hein, franchement, c'est un truc de dingue, quoi. T'es devenu super guerrier, quoi. Tiens. Et alors, Teddy, on en parle, il y a beaucoup de réactions. Tristan est avec nous. Tristan, il est tout jeune, il a 12 ans. Il nous appelle du Havre. Salut, Tristan. Salut Doc, salut Karel, salut l'équipe. Salut mon Tristan. Et je suis très content de t'avoir au téléphone, Tristan. Tu fais des rêves prémonitoires, toi, il paraît ? Moi, je fais des rêves prémonitoires, en fait. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que tu avais prévu ? Bah, par exemple, je vais faire un exemple, en vacances. Ouais. J'étais arrivé dans mon camp de vacances. Ouais. Alors le soir, je me couche. Ouais. Je rêve, par exemple, j'ai rêvé d'un stade avec des gens que je connaissais pas, des jeunes de mon âge, et un animateur. Oui. Alors le lendemain matin, je me réveille, voilà, je vais au club. Oui. Alors je rencontre les gens, l'animateur et tout. Donc l'animateur, je me dis, je suis sûr que je l'ai déjà vu quelque part. Putain, c'est dingue ça. Alors du coup, il nous emmène à un stade. Oui. Et on commence à jouer au handball, parce que dans mon rêve, on joue au handball. Et là, d'un coup, j'ai eu comme un tic et j'ai revu la scène dans ma tête et je me suis dit, bah, j'ai rêvé de ça. Ouais, t'as eu un tic. Non, c'est ouf, c'est complètement dingue. Ouais, non, mais c'est hallucinant. Est-ce que franchement, Doc, tu penses que ça peut exister, les rêves prémonitoires ? Tu rêves d'un truc, ça se réalise après. Quand les gens le racontent, oui, on peut se dire, on peut dire, toujours une coïncidence, une suggestion. Si par exemple, tu rêves de façon prémonitoire que tu vas rencontrer une belle fille dans 4 jours après, un peu de suggestion, ça peut marcher. Mais bon, il y a des cas où c'est vraiment totalement imprévisible et ça dépend pas de notre volonté, de notre action. Tu rencontres, un accident, il arrive un accident à quelqu'un, il y a des gens qui rêvent ça. Dans Destination Finale, le mec, il est dans un avion, il s'endort, il somnole et puis il rêve que l'avion va s'écraser, donc il quitte l'avion direct. Il s'écrase. Ouais, il s'écrase. Ouais. Non, mais c'est vrai. Enfin, c'est un film aussi en même temps. Ouais. Mais les rêves prémonitoires, on en parle souvent. On a toujours entendu quelqu'un en parler. Voilà, comme quoi ça pouvait exister. On ne sait pas en fait. Hein, on ne sait pas pourquoi. Hein. Léo, 13 ans de Metz. T'es là, Léo ? Ouais, je suis là. Ça va, Léo ? Salut. Ça va ? Ouais, ça va bien. Tu fais des rêves comment toi ? Des rêves lucides aussi ? Non, en fait, c'est pas trop le même genre. Moi, j'arrive à me réveiller sur commande. Te réveiller sur commande ? Ouais, donc en gros, je suis en train de dormir. Ouais. Et puis, d'un coup d'un seul, en fait, je pense à me réveiller et je me réveille dans ma chambre, en fait. À n'importe quelle heure. T'es déjà plus en sommeil profond, en sommeil semi-éveillé, et que finalement, tu peux décider. Mais en sommeil profond, tu peux pas décider que tu vas te lever. Tu vas te lever s'il y a un stimulus extérieur. Ça peut être ta mère, ça peut être le téléphone, ça peut être le réveil. Ouais, oui. Qui te sort de ton sommeil. Ah oui, Léo. Là, savoir si t'as possibilité de programmer une horloge dans ta tête. Demain à 7h, je me lève, je sais pas. Ah ben alors ça, c'est un truc... Enfin, je sais pas, je pense que tout le monde l'a déjà vécu. C'est-à-dire que tous les jours, t'habitues à te réveiller à 7h. Un jour, t'oublies ton réveil, tu te réveilles quand même à 7h. Quoi. Oui, ben ça, c'est l'habitude, c'est normal. C'est juste l'habitude. Oui, bien sûr. Mais c'est un rythme de sommeil où tu... Parce qu'on s'habitue à un rythme de sommeil. Mais même si la veille, avant de te coucher, tu te dis, putain, demain, faut que je me lève plus tôt, etc. Et ben, je me lève plus tôt. Ben peut-être, oui, c'est possible. Mais c'est de la suggestion, en fait, c'est ça ? Oui, probablement. En tout cas, oui, ça peut se décider comme ça. Il y en a aussi qui oublient de se lever. Quand même. Oui, ça, c'est vrai, la plupart du temps. Hein, ça arrive également. Léo, reste avec nous. Il y a notre auditeur du soir aussi qui fait des rêves, il paraît. Alexandre, t'es là ? Ouais, je suis là. Salut, Alexandre, notre auditeur du soir. Tu fais quoi comme rêve, toi, le soir ? Hein ? Alors, moi, un soir, j'ai rêvé que je faisais l'amour avec Alice. Et à la fin, je vois la tête de Katoche. C'est marrant, ça a laissé aucun souvenir à personne. Ça. Ah, c'est-à-dire que tu fais un rêve, t'es en train de faire l'amour avec Alice, et tu te réveilles, et là tu vois la tête de la copine de Doc. C'est ça. Oui, elle a quelle tête, au fait ? Bah, elle a une tête... Elle a pas une bonne tête. Oh non, tu peux pas dire ça. Tu vas immédiatement t'excuser. Non mais tu cherches Doc aussi. Mais tu pourras s'il la connaissait. Tu vas immédiatement t'excuser, sinon ça va mal se passer. C'était pour voir s'il la connaissait. Du coup tu te dis quoi ? Il la connaît, il la connaît. Fais gaffe Alexandre. Tu t'excuses tout de suite Alexandre. Alexandre. Oh, je m'excuse. Oh là là, Alexandre. Attention. Alexandre, t'es elle a les cheveux raides ou les cheveux bouclés? Est-ce que tu lui tirais les cheveux en fait? C'est ça la question. Il sait pas. En fait, c'est pas elle. Oui. Un petit peu aussi. Ah si. Merci, Alexandre. Allez, c'est pas grave. On te l'a dit, Teddy. Hein. Tu te fais kiffer. Hein. Tant que t'arrives à contrôler, ce sont des choses qui peuvent arriver, qui existent. Donc, voilà, c'est comme si t'avais un petit pouvoir, quoi, tu vois. Et ce que Léo disait, en fait, c'est un rêve lucide aussi. Ah ouais, c'est-à-dire qu'il arrive à se rendre compte que... c'est la phase 3. La phase 2. On sait qu'on est dans un rêve, par exemple, si on est dans un cauchemar, on peut faire en sorte de se réveiller, quoi. Ah ouais, c'est assez dingue, quand même. Hein. C'est vraiment des choses qu'on contrôle pas, hein. Toute notre activité cérébrale la nuit, quoi. Elle est importante, oui. Bah bien sûr. Teddy, je te remercie beaucoup en tout cas. Et bah fais de beaux rêves, j'ai envie de te souhaiter. Je pourrais faire une petite dédicace. Vas-y, lâche-toi. Dédicace à Coquelet, dédicace à Réglisse et au fils du facteur. Salut Teddy, le fils du facteur. C'est énorme. Bah, c'est ton frère, c'est ça? Non, c'est le fils du facteur. Ah mais d'accord, ok. On a des histoires de famille. On va pas se mêler. Tu parles de toi, non? On va pas se mêler. Non. Pardon. D'accord, ok. Eh ben, on embrasse le fils du facteur, bien sûr, et la voisine du boulanger ce soir. Salut mon Teddy, tu reviens quand tu veux. Salut. Ciao, salut. Tristan, Léo, vous restez ici. Et puis dans un instant, on sera avec Jordan, 14 ans de Sedan. T'es là, champion? Salut. Ouais, je suis là. Salut Jordan. Salut. Défi fallait salut, pas demander. Salut toute l'équipe. Salut à toi Jordan. Défi fallait pas demander pour gagner un jeu vidéo sur PlayStation 4, le jeu No Man's Sky. Tu vas poser quoi comme question, toi? Ben, je vais demander. À mon tonton, s'il peut venir me rechercher au commissariat parce que j'ai fait une grosse bêtise. Ah, ok, le but du jeu c'est de l'énerver, je pense que ça va marcher. On le fait après The Parakeet. After years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. You told me how to fly, you drove my hand. Save me sur Fun Radio. T'as une question que tu n'oserais jamais poser? Non mais c'est quoi cette question à deux balles? Fallait pas demander. Dans Lovin Fun. Et on adore ça parce que vous êtes magique. Vous nous vendez du rêve tous les soirs sur Fun Radio avec le défi Fallait pas demander. Vous venez poser des questions qui énervent, des questions qu'on n'oserait pas poser ce soir. Pour jouer avec nous, c'est Jordan. Il a 14 ans de Sedan. Salut Jordan.

I will still be patient with you. And I hope you know I won't let go. Major Lazer sur Fun Radio, Justin Bieber. 01 42 48 5000. Appelez Doc, Karel et Alice. 20h, 22h. Radio. Tous les soirs en direct sur Fun Radio au standard pour nous appeler 01 42 48 5000 si vous avez besoin de conseils, si vous voulez parler tout simplement, nous poser des questions, n'hésitez pas, on est là avec vous tous les soirs de 20h à 22h du dimanche au jeudi. On est dans une semaine voilà consacrée au cyberharcèlement et on va en parler et continuer d'en parler là toute la semaine. C'était aujourd'hui la journée au Conseil Régional de France, je rappelle quand même, auquel j'ai assisté bien sûr, avec présidé par Madame Valérie Pécresse, avec la vice-présidente du Conseil, présidente du centre Hubertine Auclair, qui est à l'origine de tout ça, qui est un centre absolument formidable, qui lutte contre le sexisme, et puis avec Madame Rossignol, qui a clos la réunion. Il y a beaucoup de gens impliqués là-dedans. Je pense que c'est un vrai, vrai, vrai problème. Avant d'écouter Clara, je vais quand même le dire. C'est 20% des filles, c'est énorme. Hein, et trois filles pour deux garçons. 17% des filles déclarent avoir été confrontées à des cyberviolences. C'est une étude qui a été faite en Île-de-France. C'est important. À caractère sexuel par biais de photos, vidéos, textos, sous toutes ces formes. Je crois que c'est très important de le rappeler. Cette semaine, vous allez avoir un spot qui passe à la télé un peu partout sur les médias. Où on entend Doc d'ailleurs à la fin. Avec ma modeste voix, voilà. Absolument. Bon, tu l'as très bien fait, Doc. Bravo. Oui, oui. Et voilà, mais je crois que c'est très, très important parce que c'est vraiment un fléau. Et que, voilà, il ne s'agit pas de jeter le discrédit, même si c'est condamnable, mais ça peut en faire en sorte que ça cesse parce que là, c'est vraiment trop. D'ailleurs, on vous a mis la vidéo sur le Facebook et sur avec des histoires dramatiques comme celle qui va nous être racontée et qui, hélas, n'est pas unique. Voilà, c'est Clara qui est avec nous et qui va témoigner. Elle a 20 ans, elle est de Perpignan et elle va nous parler d'une amie à elle. Bonsoir, Clara. Bonsoir, tout le monde. Salut, Clara. Salut. Merci pour ton témoignage. Je pense que ça ne doit pas être évident. Non, c'est pas évident, mais je pense que ça vaut le coup d'être raconté. Exactement, comme ça, tout le monde sera au courant ce soir de ce qui s'est passé. Exactement. Donc, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai une amie à moi qui a été victime de ça, donc de cyberharcèlement. C'est arrivé à cause de photos qu'elle avait envoyées à son chéri. Tu peux dire son âge, par exemple? Enfin, je sais pas. Ouais, son âge. Donc, elle avait 16 ans. 16 ans. À peine. 16 ans. Raconte-nous bien l'histoire. Donc, elle était avec un mec, c'est ça? C'est ça, et donc elle était au collège à cette époque-là, et donc pour lui faire plaisir, ou je ne sais quoi, ou qu'est-ce, elle lui a envoyé des photos. Des ça photos quel genre de photos oui. Dis-nous exactement. Des photos nues, je n'ai jamais eu vraiment le fin mot de l'histoire. Après, personne n'était au courant en fait de ça. Ok. Et donc, du moins pas moi, parce que j'étais pas dans la même école qu'elle, ni quoi que ce soit, et donc elle a changé d'école. En disant que ça irait mieux, sauf que bah forcément le passé ça rattrape et arrivée donc au lycée, bah t'es mortifiée, t'es morte de honte, personne n'était au courant. Parce que ces photos, ont été partagées, parce que ces photos traînaient dans le lycée, qu'elles étaient sur un site internet. Non, je pense qu'elles ont été partagées dans le lycée et puis on blâme souvent les garçons, mais à mon avis il devait y avoir des filles aussi qui devaient s'en donner à cœur joie. Bien sûr, les filles peuvent être aussi coupables. Bien sûr, voilà, on parle souvent des garçons, mais les filles aussi, on leur part de responsabilité là-dedans. Et donc, comme je vous dis, moi, j'étais absolument pas au courant. Et malheureusement, par la honte, on n'en parle à personne. Ouais. Et donc, personne n'était au courant de ça. Et je pense qu'elle devait avoir un mal-être au fond d'elle. Et elle a commis l'irréparable. Et personne ne s'était rendu compte de ce mal-être ? Je pense que si. Moi, j'en étais pas au courant. Et puis, je le regrette aujourd'hui. C'est qu'à mon avis, elle devait avoir des copines plus proches que moi et qui devaient savoir. Mais à mon avis, elles n'en ont pas parlé à leurs parents. Et c'est la question que je me dis à chaque fois. C'est pourquoi elles n'en ont pas parlé à leurs parents, à elles. C'est normal. Tu l'as dit toi-même, la culpabilité. Parce qu'en fait, le processus... J'ai fait la photo avec mon mec. Donc, forcément... Et je n'adhère pas à ça, je veux lutter contre ça, je suis coupable. Vous n'êtes pas coupable. À partir du moment où on prend des photos de vous, c'est dans le domaine privé. Personne, même si vous étiez d'accord au moment de les faire, ça restait dans une sphère privée et vous n'étiez pas d'accord pour les diffuser. Non, donc on ne diffuse pas. Donc ça, c'est condamné par la loi très sévèrement et à juste titre. Sauf que beaucoup se disent, oui mais après tout, c'est de ma faute puisque quand il les a faites, j'étais d'accord. Oui, t'étais d'accord, mais t'étais en couple. C'est important de dire. Et souvent, je suis désolé, mais si vous avez des potes ou des gens comme ça, ou même si vous êtes parents, il y a une phrase à dire à des gens comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te fait du mal ? Parce que ça, tout le monde répond oui. Parce que ceux qui sont victimes, évidemment. Bien sûr, parce que... Toutes les victimes, pas tout le monde. Toutes les victimes vous disent oui. Elle s'est suicidée, c'est ça hein ? Oui, exactement. Comment elle a fait ? Elle a laissé un mot ? Elle a laissé quelque chose ? Rien du tout. Et juste. Mais elle s'est suicidée comment ? Elle s'est jetée sous un train. D'accord. Ah. Donc, il n'y a que. Enfin, faut être un stade de désespoir que j'imagine même pas. Et c'est trop jeune. Et je veux juste dire aux personnes qui font ça, peut-être qu'au début, c'est pour rigoler entre potes et se dire, voilà, regarde ma meuf, ce qu'elle a fait. Mais sauf qu'à la fin, bah, ça détruit une vie et ça détruit une famille. Ça devient dramatique. Oui. Et le truc, c'est qu'à mon avis, la personne qui a fait ça, moi, je ne la connais pas et je ne veux pas la connaître. Et j'espère au fond de moi qu'elle vivra avec ça sur sa conscience. Alors, toute sa sauf vie que, et... oui, non, mais attends, je ne sais pas quand c'était, mais moi, je dis cela aussi. Hein, on peut retrouver des traces de ça. Et si on peut retrouver des traces, bien évidemment, il peut y avoir des poursuites, même, hélas, après un acte irréparable comme ça. Parce que voilà, mais bon, c'est pas... La responsabilité peut être encore plus, évidemment, après suicide, peut être engagée. C'est intéressant ce que tu dis, Doc. Hein, parce que c'est vrai, Clara, est-ce que la famille, ensuite, c'est... Enfin, j'imagine qu'elle s'est forcément vachement intéressée aux problèmes de leur fille. Et ils n'ont pas tenté, justement, d'en savoir un peu plus, peut-être même de porter plainte. Je pense que c'est forcé. Après, moi, je vous avoue que moi, j'ai regardé ça d'un œil extérieur. J'ai pas voulu... Je suis trop loin de la famille, je suis trop loin de tout ça et je suis témoin malgré moi. Et puis non, je sais pas, je pense qu'à mon avis, cette personne-là, elle doit, à ce moment même, elle doit être dans des poursuites. Et oui, si, je pense, c'est obligé. Mais moi, je m'en suis pas occupée de ça, c'est trop pour moi. Parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier, il y a aussi des gens qui s'occupent de ça. Là, j'ai rencontré aujourd'hui, ça s'appelle l'AFPI, c'est un monsieur qui effectivement va rechercher partout... les traces de ceux qui ont agi et pour les retrouver. Donc, l'avantage, quand même, en général, c'est qu'on peut retrouver l'auteur, même s'il a tout effacé. Et cette fille devait avoir, hélas, un téléphone portable, bien évidemment. Et là-dessus, on peut retrouver tout, et y compris ce qui a été diffusé. Ah bon, on est, là, clairement, on n'est pas anonyme. C'est quand on surfe sur Internet hein, et qu'on commence à naviguer, poster des trucs. Enfin, y a toujours moyen de récupérer c'est l'adresse IP. L'AFPI, c'est l'Association française des prestataires de l'Internet. C'est www.afpi-france.com. Vous pouvez aller là-dessus et là, on peut retrouver, si vous êtes embêté, vous pouvez prendre contact avec eux. Et évidemment, leur boulot, c'est justement de démasquer tous ceux qui agissent ainsi, même si ils sont beaucoup attardés sur les pédocriminels. Je n'appelle pas pédophiles, sur les pédocriminels et maintenant aussi sur les djihadistes. Voilà. Bah merci beaucoup, Doc, pour ces précisions et merci beaucoup aussi à Clara pour ce témoignage. Si, voilà, comme Clara, vous voulez vous aussi témoigner pour vous ou pour une amie, n'hésitez pas à nous appeler. Mais vraiment, quand vous voyez que quelqu'un va pas bien dans votre entourage, il faut d'abord l'entourer, il faut poser des questions simples. C'est le début de l'aide. C'est surtout parlez-en aux adultes, il y a des adultes autour de vous, alors, parlez-en. Et les adultes doivent poser la question, parce que quand on est coupable, quand on se sent coupable, comme ça on n'est pas coupable, mais le problème c'est que souvent quand les filles déposent plainte, je rajoute ça, on va lui dire, mais t'as fait quoi? Ouais. C'est pas toi qui as fait les photos. Alors, c'est ta faute, quoi. Et ça a été dit beaucoup cet après-midi, c'est que la victime devient coupable. Ouais. Et ça, il faut qu'il y ait une formation, évidemment, de tous les intervenants, dont la police, entre autres, et autres, pour que justement, on ne le prenne pas comme ça. C'est quelqu'un qui se plaint, c'est quelqu'un qui est victime, c'est pas quelqu'un qui est coupable. Voilà. Si d'ailleurs en ce moment vous êtes vous-même victime, hein, plus que jamais, n'hésitez pas. Hein, franchement, nous, on est là pour vous aider chaque soir. 01 42 48 5000. On vous aide. On stoppe l'antenne, vous directement vous êtes avec nous et on vous aide. Hein, 01 42 48 5000. Merci beaucoup, ma Clara. Merci beaucoup à vous. On te fait des gros bisous. Tu reviens bisous. Quand tu veux. Salut Clara. Bisous. Ciao, ciao. Et Pierre est avec nous, nous rejoint là, 13 ans de Nancy. Salut mon Pierre. Salut, ça va? Ouais, ça va, et toi, Pierre? Ah, je suis tout excité en fait. Je suis un peu stressé. Ah, tu frétilles du zizi? Non, excité tout court. Oui, bah, c'est un peu la même chose. Hein. C'était nerveusement. Tu fais l'hélico avec ta teub? Mais non. Hein, Pierre, non, ce mais soir. T'inquiète, ça va venir. Ok, ah ouais, d'accord. On vous promet l'hélicoptère avec la teub, l'hélico-teub, dans un instant sur Fun Radio. Vous restez bien avec nous, Pierre, tu vas nous parler de quoi? Je vais parler en fait du jeu vidéo. Je rage lorsque je perds. Ah d'accord, tu t'énerves. Toi aussi. Je suis un gros rageux. Ouais, moi aussi, j'en ai cassé des manettes. Reste avec nous, Pierre. On en parle. C'est le jeu vidéo. Voilà que t'arrives pas à contrôler. Tu pars en couille. T'es comme un ouf. Et on en parle après Jonas Blue, Perfect Stranger sur Fun Radio. Love in Fun. Tomorrow we'll hold. We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Feeling this way, there's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. You Perfect Strangers. 01 42 48 5000. Love it. 20h, 22h, avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Et une alerte. Attention, un drame est en train de se produire ce soir. Alexandre, notre auditeur du soir, va peut-être devoir nous quitter. Je crois que sa maman n'est plus d'accord pour qu'il passe l'émission avec nous. Alexandre, tu nous entends? Oui, je vous entends. Tu viens de te faire pouiller par ta mère. C'est ça. Qu'est-ce que t'as dit? Elle t'a dit quoi, maman? Elle m'a dit qu'il fallait que j'aille me coucher. D'accord. Il est 21h28. Sans déconner, t'es en quelle classe, Alexandre? C'est en troisième. Bon, voilà. Oh là là. Bon, je suis à l'arbitre. Ouais, faut que t'ailles te coucher. Non, faut que t'ailles te coucher, c'est vrai. Oh, ta gueule, Doc. Ça va, c'est bon. Oh, il y en a marre, là. Alexandre, est-ce que maman est à côté? Comment s'appelle maman? Elle s'appelle Corinne. Corinne, tu peux nous passer Corinne? Non, elle écoute la radio. Elle écoute la radio, Corinne? Oui. D'accord. Donc elle nous... Bonsoir, Corinne. Bonsoir, Corinne. Comment allez-vous? Ça va. Vous êtes en direct sur Fun Radio. Est-ce que vous pouvez couper la radio? Oui. Voilà. Vous coupe êtes la radio, Alex. Coupe la radio, ouais. Alors, Alexandre est en direct avec nous. Regardez la maman. Hein. Il fait l'émission. Bah oui. Vous pouvez rester avec nous aussi. Alexandre, il fait l'émission avec nous ce soir jusqu'à 22h. L'émission s'arrête à 22h. Après, il nous a dit qu'il allait étudier et se coucher. Donc, et bravo, Alexandre. Oui, c'est, bah, ouais, c'est quelqu'un de c'est un modèle. Il est incroyable, votre fils. Hein. Il est insupportable. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Non. Bon, il vous en fait baver en ce moment? Oui, beaucoup, oui. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Il est insupportable. Ah bon? C'est-à-dire? Oui. Corinne. Donc voilà. Dites pas ce qu'il y a d'insupportable. On va l'aider peu. Mais rien, quoi. Non. Il n'écoute pas, il est insupportable. Ouais, c'est physique, ça va, il est chiant, c'est tout. C'est un adolescent, il commence, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Il a 14 ans, c'est normal, hein. Je veux dire, on est tous chiant quand on a 14 ans. Quand c'est on vrai. Est des hommes, c'est vrai. Ouais. Oui, non, je sais pas comment. Est-ce qu'il vous parle mal? Oui. Ah, c'est vrai? Non. Oh. Bon, on va lui dire qu'il faut arrêter. Hein. Bah attends, bien ça sûr. Se fait pas. Hein. Corinne, est-ce qu'il a l'autorisation de rester avec nous jusqu'à 22h? Mais si, c'est que je vois pas ce qu'il a à vous dire. Mais bien sûr, en fait, il parle avec nous, il réagit au sujet pendant l'émission. Là, on va parler de jeux vidéo, par exemple, avec Pierre. Pierre, t'es là? Ouais, salut. Je te présente Corinne, okay. C'est la maman d'Alexandre. Hein, Pierre? Bah, salut Corinne. Salut Corinne. Voilà. Vous voyez, on fait une émission de radio comme ça, et puis il y a des auditeurs qui viennent et on parle tous ensemble. C'est pour ça. Et du coup, Alexandre, c'est notre champion ce soir. C'est notre auditeur du soir. Mm-hmm. Vous comprenez, Corinne? Ouais, non, je comprends. Mais non, c'est vrai que je me dis que s'il avait des choses à me dire, je préfère qu'il me les dise à moi plutôt qu'il me les dise à la radio. Non, voilà. Mais il y a pas de rapport. Alors, pour l'instant, il a rien dit. Mais... Non, mais vous savez, c'est important qu'il y ait un espace en dehors de ses parents. Vous savez, ici, on ne dit pas... Voilà, on parle sérieusement. Oui, mais faut le surveiller quand même. Pardon? Faut le surveiller quand même. Mais surveiller quoi? Oui, surveiller quoi? Ah ben tout, ce qu'il fait. Ah oui? Ah oui, non, mais pas tout, non. Non, bah non, parce que... Parce qu'il faut forcément que vous exigiez certaines choses, qu'il rentre le soir, voilà, qu'il range un peu la maison avec vous, tout, d'accord, mais il y a quand même, il doit avoir un espace de liberté, n'est-ce pas? Ah oui, sinon, comment il fait pour se masturber? C'est vrai. Oui, mais bon. Ah, parce qu'il le fait, Corinne. Il le fait. Pas le savoir. Pourtant, il le fait. Non, et quand vous lavez les draps, il y en a dedans. Il y a un petit espace de liberté, quoi. C'est tout. D'accord? Bon. Vous êtes d'accord? Oui, j'ai l'impression qu'on est un petit peu gêné. Non, vous voulez pas l'espace de liberté? Si, mais je veux quand même avoir l'œil dessus. D'accord. Eh ben, jetez un œil. Vous pouvez écouter la radio et vous allez tout entendre, Corinne. Mais c'est ce que je vais faire. Vous êtes une maman très sympathique. On vous fait des gros bisous, Corinne. Vous pouvez nous repasser, Alexandre. Au revoir, Corinne. Au revoir. Hey, Alex. Alex. Ouais. Ouais, c'est bon, là, j'irai ta mère. Mais non. Nickel. Elle est relou quand même. Elle est insupportable, Alex. Non, elle est superbe. Elle écoute, là? Ah bah, elle l'écoute. Magnifique moment que ouais, tu as. Elle est géniale. Vraiment, je l'ai adoré. Vraiment, bande de faux cul. Un grand moment avec Corinne. Ouais. Bonne ou pas? On embrasse très fort. Cassim, c'est pas possible. C'est bien Cassim. Il va, je peux m'en occuper, moi, pendant qu'il est avec moi. Bien sûr, il va bien se faire engueuler. Pierre, notre auditeur, là, qui nous rejoint, il a 13 ans, il est de Nancy, et Alexandre, donc toujours avec nous, ça fait plaisir. Pierre, raconte-nous, là, toi, t'as rageux, toi. Ouais, un gros rageux, tu vois. Vas-y, raconte. En gros, tu vois, je joue à des jeux en ligne. Ouais. À quoi? Et le truc, c'est que je joue à plutôt des jeux mobiles, genre, je sais pas si tu connais World of Tanks. Ouais, connais bien et, sûr. Et Clash Royale, tu vois. Ouais, bien sûr aussi. Et c'est les deux jeux principaux, tu vois. Okay. Et tu t'es contre tes vrais adversaires. Ouais. Et tu vois, si tu perds, ça te donne envie de rejouer. Parce que t'as envie de regagner ce que t'as perdu. Ouais. Et du coup, la plupart du temps, c'est que t'enchaînes les défaites. Ouais. Et ça te fait un peu rager, tu vois. Ah ouais, bah ouais, mais c'est le principe de plein de jeux en ligne, en fait. C'est que ton adversaire, c'est plus un ordinateur, c'est un vrai joueur. Et alors, le pire, c'est quand on s'envoie des messages entre joueurs. Genre, ça part en couille, hein. Mais là, c'est là que ça te fait rager. Moi, j'ai déjà pété des manettes, là, comme ça. Bah, ouais, bravo. C'est vrai. Vous avez du mal à gérer vos émotions. Bah, complètement, Doc, parce que c'est un truc de dingue. T'es en compétition contre le mec, quoi, et t'as envie de gagner. Et quand le mec, genre, t'as perdu, mais à rien, et le mec, il dit t'es trop nul et tout, t'es un noob, eh ben là, t'as envie de lui exploser sa gueule, sauf que tu peux pas, t'es derrière ton PC, là, t'es derrière ta console, et tout ce que tu fais, bah, c'est que tu pètes ta manette, et t'en as pour 50 boules à la racheter. Bravo. Bah ouais. Mais Pierre, pour ça, il y a des solutions. Ouais, bah vas-y, j'ai besoin d'aide, les gars. Il faut que tu recentres ton cœur au centre de l'attention du monde. Souffle, respire. Tu te prends pour un gourou, là, ou quoi? Oui, je suis le grand gourou, Karel. Et venez dans ma secte. Pierre. Non, mais. Attends, bouge pas, on va l'enfermer bientôt. Non, mais alors, justement, je fais appel à toi, Doc. C'est-à-dire que, comment t'expliques le fait qu'on n'arrive pas à maîtriser ses émotions comme ça, qu'on part en live, quoi? Parce qu'effectivement, dans le jeu, il y a. Oui, vas-y. Oui, vas-y, Doc, Pierre. Vas-y, on t'écoute, Pierre. Doc, Pierre. Ah, excuse-moi, Doc. Non, vas-y, Pierre, vas-y, dis ce que t'as à dire. Vas-y. Bah, en gros, le truc, c'est que lorsque tu perds la plupart des jeux, tu perds un pourcentage de victoires, ou alors tu perds tout simplement des trophées, des choses comme ça. Et du coup, en attaquant, t'avais envie de gagner des trophées. Donc, t'en perds. C'est ça qui te fait rager, en fait. D'accord. Donc, quand tu t'énerves, c'est pas long, et après, t'acceptes. Bah, t'as pas le choix, en fait. Bah, ouais. Voilà. Bah, je pense que c'est une bonne chose de perdre, finalement. Tu vois? Parce qu'au moins, avec le temps, tu vas finir par accepter de perdre. Ouais. Et moi, je trouve ça bien. Des jeux où on ne gagne pas à chaque fois, c'est déjà pas mal. Non, mais ça, c'est clair. Je suis d'accord avec toi, Doc. Maintenant, c'est vrai que c'est quand même plutôt rageant quand t'as le sentiment de perdre contre quelqu'un. Arrêtez, là. Oh. Ouais, mais un jeu, c'est une vraie compétition, Doc. Mais ça veut pas dire que t'as pas fait la compétition. Ça veut dire que t'es pas arrivé premier, t'es arrivé deuxième, mais t'as fait tout le jeu, tous les mécanismes, tu les as mis en place. La réaction, le chemin, tout ce que t'as suivi. Ce qu'il faut comprendre, Pierre, c'est que t'es peut-être pas encore assez bon et qu'il faut que tu continues de progresser. C'est à travers tes défaites que tu vas t'améliorer. Enfin, en même temps, c'est pour programmer. La phrase philosophique, Karel. Quoi? La philosophie, Karel. La phrase philosophique. Ouais. Des fois, je suis un peu moins con. Souvent, ces jeux sont un peu programmés pour que tu t'arrêtes pas. Bah ouais. C'est clair. Bah oui. On a David qui veut. Faut pas se faire piéger par ça. David qui veut réagir. David, il a 26 ans de Toulouse. Bonsoir, David. Ouais, salut David. Salut à toi David. Raconte un petit peu. Est-ce que le jeu vidéo ça te fait rager des fois? Alors, enfin moi, je joue aux jeux vidéo, surtout les jeux en ligne sur ordinateur depuis mon plus jeune âge. Ouais. Parce que je joue beaucoup à WoW, à World of Warcraft. Je joue beaucoup aussi à LoL. Enfin, tout plein de jeux qui sont en ligne. League of Legends, ok. Ouais, voilà. Et si tu veux, avant, j'étais comme ça. C'est-à-dire que dès que je perdais, que le gars en face il était là, ouais, t'es nul machin, tu pètes un plomb. T'es trop mal. T'es là. Oh. Et en fait, ce qu'il faut, c'est le mental. C'est-à-dire que le gars, c'est pas grave, tu vois. C'est parti, tu vas en faire des millions. Ouais. Et tu vas en gagner, tu vas en perdre. Oh, c'est le jeu, quoi. Après, je sais pas comment ça marche dans World of Tanks, parce que je connais pas trop le jeu. Mais ce que tu peux faire, c'est tu mutes les adversaires, en fait, pour pas qu'ils puissent te parler. D'accord. Enfin, alors, ça, c'est une technique. C'est une bonne technique. Ouais, que tu vois pas les types en train de te parler, parce que sinon, ça te fait sortir de ton truc. Et en fait, quand t'es énervé, tu joues encore plus mal. Mais oui, c'est ça le délire. Et ouais, tu joues encore plus mal. Du coup, t'es encore plus énervé, tu joues encore plus mal et tu perds le fil du jeu, quoi. Donc il faut y aller tranquille, quoi. C'est qu'un jeu, et la prochaine, c'est la gagner. En revanche, les choses positives que vous apporte le jeu, gagnant ou perdant, c'est que ça va stimuler vos capacités d'analyse, vos capacités d'anticipation ou des choses comme ça, et de synthèse. Ça, je crois que c'est très important dans ces jeux. Donc, peu importe que vous gagnez ou vous ne gagnez pas, c'est un jeu. Il y en a pour qui ça peut paraître surprenant comme ça de s'énerver dans un jeu vidéo, mais il y en a aussi qui sous-estiment franchement l'impact dans la vie de certains du jeu vidéo. Quoi. Ah, c'est une vraie compétition. Oui. Ah mais c'est sûr. Ah mais si, donc, hein, maintenant tu sais qu'il y a des pro-gamers, il y a des gens qui gagnent leur vie avec le jeu vidéo. C'est un vrai truc, hein. Et c'est vrai que quand tu te mets comme ça en compétition, bah, t'as envie de gagner, t'as envie de performer. C'est un peu comme les gens qui courent, c'est ça? Bah, ouais, par exemple. Mais en tout cas, David, je trouve que t'as une vraie bonne philosophie, quoi. Tu gagnes, tu perds. Bon, bah, voilà, il faut accepter de perdre de temps en temps, quoi. Après, c'est aussi parce que j'ai grandi, j'ai 26 ans, tu vois. Mais moi, quand j'avais 18 ans, ou quand j'étais plus jeune, j'étais pareil. Mais en fait, le jeu vidéo, à l'heure actuelle, il prend beaucoup plus de place qu'avant. Parce qu'avant, tu jouais à Mario. Bon, tu perdais, tu t'en foutais, quoi. Alors que là, maintenant, t'as beaucoup plus de jeux en ligne avec des autres joueurs qui peuvent te répondre et tout. Et c'est ça, en fait, qui fait que les gens, ils s'énervent parce que... Voilà, Enfin, il y a aussi une chose, t'as 26 ans, donc une question de maturation neuropsychologique. C'est juste de la provocation, hein, non, si tu rentres dedans. C'est une question de maturation, et quand on est plus jeune, on a du mal à gérer ses émotions. Avec le temps, il y a une maturation neurologique de certaines zones qui fait qu'effectivement, on apprend à prendre du recul... Il y a de pas s'énerver à tout moment. C'est vrai. Sauf Karel qui a dû oublier. Quand on a 13 ans, on dit fils de pute, et quand on a 26, on dit FDP. C'est plus pareil, tu vois. Tu prends le temps, quoi. Tu vois, tu t'emmerdes pas. Mais merci en tout cas, David, pour tous tes conseils. Merci. On salue tous les gamers qui sont en train de se prendre la tête, ça se trouve, là, sur certains jeux vidéo, et qui ragent, là. Parce que le healer n'a pas healé le tank, hein. Entre autres. Salut, mon Pierre. Tu reviens quand tu veux. Je peux faire une petite dédicace, s'il vous plaît. Vas-y. Moi, je fais une dédicace à Ruben Le Tag, à Thibaut de la Street, à Jules Le Kikou. Et je fais une dédicace à vous, parce que je l'aime beaucoup. Merci, Pierre. Au qui taffe très bien. Et à Mario Enzo, que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Et à Salomé Mababur. Bah, ok. Les gros bisous, Pierre. Et tu reviens quand tu veux dans le VinFun. Tu es toujours le bienvenu ici. Salut à toi. Le chiffre d'Alice est dans un instant sur Fun Radio. Quel est ton chiffre ce soir, Alice? On va parler des gens qui ont déjà coupé les ponts avec quelqu'un de leur entourage, mais juste pour faire plaisir à leur mec ou à leur meuf. Ah ouais, et ça, sous ça la pression. Très souvent. Et après, on le regrette. Hein. Dites-nous si ça vous est déjà arrivé. 01 42 48 5000. On écoute Félix Jane. It hurts if I let all the poison in. If I let them win. When you're my eyes and I just breathe. Sur Fun Radio, Bonfire. Le chiffre d'Alice dans Love in Fun sur Fun Radio. C'est tous les soirs sur Fun Radio, le chiffre d'Alice. Ce soir, quel est ton chiffre, Alice? Une personne sur cinq a déjà coupé les ponts avec quelqu'un de son entourage pour satisfaire son mec ou sa copine. Seulement une personne sur cinq? Une personne sur cinq a vraiment coupé les ponts. Ouais, c'est-à-dire... Parce que tout le monde n'accepte pas, heureusement. Parce que souvent, dans le début d'une relation, on a tendance à être vachement ensemble et presque trop même, à se couper un peu des autres. Quitter ses amis pour une relation, c'est ça? Ouais, carrément. Mais... Et parfois, c'est l'autre qui te demande ça, ouais, quoi. Voilà. Parce qu'elle veut pas rencontrer tes amis et tout. Et toi, comme t'es amoureux, bah, t'acceptes. Les ex, surtout. Ouais, c'est ça. C'est par jalousie. Ouais, j'aime pas trop ton meilleur pote. Mmh. Souvent des histoires comme ça. Hein. Bien sûr. T'as pas couché avec lui? Ouais, c'est bizarre. Et on attend vos réactions. C'est en 01 42 48 5000. On commence à les prendre là déjà, puisque ça appelle. Là, on décroche. Loïc, t'es là? Oui. Salut Loïc, t'as 17 ans, t'es à Villefranche, toi? Oui, c'est ça. Salut. Salut. T'as coupé les ponts, toi? Salut. Ouais, bah, pour expliquer toute la situation, j'étais avec ma copine pendant quasi un an et, bah, et à certains moments elle était jalouse, donc je connaissais une fille que je fréquentais depuis 2 ans, puis elle était trop jalouse, donc j'ai dû couper les ponts avec elle. C'était qu'une amie, la fille. De quoi? Ce n'était qu'une amie. La fille. J'ai pas compris. La fille que tu fréquentais, ce n'était qu'une amie. Je parle pas de ta petite copine. Oui, c'était une amie. Et ma copine, ça faisait un an que j'étais avec elle. D'accord. Et j'ai coupé les ponts avec cette amie. Et j'ai coupé les ponts avec elle pendant 6 mois, quasi. Mm. Puis à un moment, ma copine m'a quitté pour des raisons de jalousie, alors qu'elle même l'était. Enfin, ah, tu vois. Hein. Et après, t'as dû galérer pour retrouver ta pote. Hein. Ouais, bah, pas vraiment, parce que j'ai mis un truc sur les réseaux sociaux et c'est elle qui est venue d'elle-même pour... Ah bah ça c'est pour cool. Rassurer tout mais, ça. Mais ça c'est un peu ridicule quand même. De quoi donc? Bon, de poser à l'autre, ce n'était qu'une amie, elle n'avait pas de relation amoureuse, être jaloux d'une amie, ça n'a pas de sens. Hein. Ouais, d'accord. Ouais, bah, après j'étais jaloux aussi de mon côté, mais... Ah oui, normal. Comment? T'as aussi empêché des relations? Oui, un petit peu. peut-être moins que celle-ci, parce que ça faisait quand même 2 ans qu'on se connaissait. Mais après, bah, ouais, c'est elle qui est revenue toute seule et du coup, bah, on se reparle. Très bien. Okay. C'est une vraie connerie de renier ses potes pour une relation parce que derrière, tu peux regretter quand la relation s'arrête. Ouais. Ça, c'est pas un truc que tu fais, je suis sûr, Alice. Hein. Ah non, moi, pas du tout. Si un mec, il commence à te dire, ouais, j'aime pas trop que tu vois cette personne. Bah, je lui dis, bah, je la verrai sans toi. Si non, tu l'aimes ça, pas, voilà. Ouais, on t'impose pas le délire, quoi. Ah non, pas du tout. Bien sûr, et je comprends la suite du chiffre d'Alice. Dans un instant, on va continuer d'en parler parce que ça réagit énormément. Il y aura aussi la question de l'internat. Hey. Vous êtes en internat, les amis, c'est le moment de nous appeler. Vous êtes en train d'écouter Love in Fun avec les potos, là. Vous voulez poser une question, c'est votre moment à vous. Venez parler de votre bahut, là, 01 42 48 5000. Venez représenter votre lycée, votre collège, pour poser votre question. Le chiffre d'Alice aussi, qui revient avec toutes vos réactions. Et Sigala, give me your love. Jusqu'à 22h, Love in Fun, à tout de suite. Réagissez à l'émission sur Twitter, hashtag Love in Fun. Votez maintenant. Vote for me. Fun Radio DJ Awards. Depuis l'ADE à Amsterdam, l'événement incontournable du DJing. Connectez-vous sur partyfun.fr et votez pour vos DJ préférés. Qui des DJ Fun Radio? Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Diplo ou Martin Garrix repartira avec le plus de trophées. Réponse en direct de l'ADE à Amsterdam du 19 au 23 octobre avec les Fun Radio DJ Awards. Fun Radio DJ Awards. Sur Fun Radio. Vote for me. Votez pour moi. Go! Le son Dance Floor. Quand on aime, on ne compte pas. Mais avec Miniservice, quand on aime, on compte. On compte sur le savoir-faire des experts, on compte sur la qualité des pièces et grâce à des prix bas, on compte les économies réalisées. Et ça, ça compte, non? Ceux qui aiment leur mini, choisissent Mini Service. Jusqu'au 25 novembre 2016, pour l'entretien et la révision, bénéficiez d'un tarif préférentiel sur une sélection de prestations d'entretien. Valable auprès de nos concessionnaires et réparateurs agréés Mini participant à l'opération. Liste disponible sur mini.fr. Mini. Fun Radio présente la Danone Nations Cup 2016. La plus grande compétition mondiale de foot pour enfants de 10 à 12 ans. Plus de 400 joueurs venus des quatre coins de la planète vont tenter de réaliser leurs rêves en devenant champions du monde. Venez découvrir et encourager les talents du foot de demain, le dimanche 16 octobre, au Stade de France. Bonjour à tous, c'est Zizou. Venez nombreux supporter les 32 équipes du tournoi. Et bonne chance à tous. Toutes les infos sur DanoneNationsCup.com et funradio.fr.

qu'en fait, je me suis mis en couple il y a peu plus de 2 ans. Et j'avais déjà un meilleur ami depuis déjà un bon moment, avec qui ben, il s'est passé pas grand-chose. Mais on a essayé, ça n'a pas fonctionné, mais on est resté très proches. Et en fait, donc j'ai prévenu mon copain avec qui je me suis mise après. Et il n'a pas été d'accord, donc il m'a dit d'arrêter de lui parler, en fait. Mais ça, c'est insupportable. Ça mène nulle part, ça. Ça s'est terminé comment? Comment ça? Je suis toujours avec mon copain actuellement. Mais est-ce qu'il accepte maintenant de... Mais il ne le sait pas. Ah ouais, tu vois toujours ton meilleur pote en cachette. Tu caches le truc. Parce que, oui, regarde, voilà, ouais. Bah, c'est ça, au fond, le truc, c'est que tu lui caches le délire. Tout quoi. Ça, c'est par jalousie, pour désir de possession. Je pense qu'on peut partager de très très belles choses, et souvent, mais certainement jamais posséder l'autre. Ça, c'est une erreur totale. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas fidèle, ça n'a rien à voir avec la fidélité. Bah, et l'autre ne vous appartient pas. Or là, c'est un peu comme si. Oui. Et moi, je pense que ce qui serait bien, Laura, c'est que tu expliques à ton mec que si t'as envie de, voilà, de continuer de voir ton meilleur pote, eh ben, tu peux le voir. Je veux dire, c'est... Enfin, voilà, tu fais ce que tu veux, t'as 22 ans, quoi. Je sais pas. Eh ben oui, mais ce qu'il y a, c'est que moi, je suis très jalouse et possessive. Après, il a jamais eu d'amis. Ah oui, mais alors, tu fais pareil, toi. Ah ouais, c'est pas bien, non, ça. Non. Mais parce il les voit en cachette. Alors attends, parce que Laura, si lui, il avait une meilleure amie, est-ce que tu accepterais qu'il aille la voir de temps en temps? Si c'est vraiment une meilleure amie qu'il a connue avant moi, oui, j'ai pas à lui interdire quelqu'un qu'il a connu avant. Avant toi, mais si, ouais, il est meilleur ami. C'est pendant. Elle... Ouais, bah oui, bah ça peut arriver des fois de rencontrer quelqu'un, voilà, c'est une bonne copine, quoi. Ouais, mais je vais te poser une autre question. Est-ce que tu as confiance en toi? Est-ce que tu as confiance en lui? En lui, oui, en moi, non. Voilà, t'as le problème. Bah oui. Moi, je sais de quoi je suis capable, mais... De quoi tu es capable? De quoi tu es capable? Eh ben, je suis capable de rester amie, quoi, tant que je suis en couple. Oui, pas ça. De faire n'importe quoi. Tu penses que lui, s'il a une amie nouvelle, ouais. Ce sera forcément pour aller plus loin? Ben, il pourrait être tenté, vu qu'il la connaît. Alors, en étant avec moi. D'accord. Tu veux que je te dise plus loin? Parce que tu es persuadé qu'une autre fille sera plus belle que toi, plus ceci, oui, plus voilà. Cela. C'est idiot. Voilà. Voilà. À toi de prendre confiance en toi, de faire des choses qui t'aident à prendre confiance en toi, que ce soit dans ton métier, sport ou autre, mais apprends à renforcer ta personnalité, c'est très important. Plutôt que d'être jalouse parce que tu te pourris la vie, tu lui pourris la vie, et c'est pas une bonne relation pour toi. C'est le meilleur moyen que ça s'arrête au bout d'un moment. Oui, c'est surtout le meilleur moyen de souffrir. Ah, écoute, Laura, t'as pris une petite dose de conseils aussi, t'as vu? Oui, voilà. Non, mais voilà, c'est important, on vous dit les choses. Hein. Lola est avec nous. Bonsoir, Lola. Salut, Lola. Salut tout le monde, bonsoir. Salut Lola, t'as 27 ans et t'es une rémoise, toi, Lola. Ouais, c'est ça. La ville du basket. Et du champagne. Bien sûr, moi j'ai fait du basket au Stade Saint-Symphorien à Reims. Ok, d'accord. Il y a longtemps. Hein. Ok, c'est cool. C'est intéressant, hein. Allez, j'allais régulièrement à Reims pour faire un petit peu de basket et tout. Je faisais des dunks et tout à l'époque. J'embrasse JL, mon pote de 3. Alors, Lola, oui, parce que je dunkais. Et pourtant, je fais qu'un mètre 80. Hein. J'avais une sacrée détente à l'époque. 1m80 avec les talonnettes. Hein. Alors, Lola, les talonnettes. C'est ça. Lola, raconte-nous, toi. Alors, en fait, c'est mon frère. Ça fait 4 ans qu'il est avec une nana. Ouais. Et ça fait 1 an qu'on se parle plus. Ça fait 1 an que j'ai pas de nouvelles. Ça fait 1 an qu'il donne pas de nouvelles à mes parents. Non. C'est dingue, ça. Ouais. C'est-à-dire que c'est carrément couper les ponts avec sa famille, quoi. Voilà, en fait, il s'est coupé de ses amis, de tous ses potes. D'accord. Et c'est vrai que c'était très difficile pour moi, pour mon autre frère aussi. Parce qu'en fait, sa copine avait monté la tête à mon autre frère. Parce que j'ai 2 frères. Et donc, du coup, j'avais 2 frères qui ne me parlaient plus. Donc, c'était très difficile. Et mon frère s'est rendu compte qu'en fait, sa copine, c'était une vraie fouteuse de merde, quoi. D'accord. Et donc, voilà. En fait, pour faire court, c'est une grosse manipulatrice. Elle a pris un peu possession de mon frère. Elle l'a éloigné de tout le monde. Mm-hmm. Donc, elle a un peu réussi, entre et guillemets, maintenant, son coup. Maintenant, ça va mieux? Ça va mieux, c'est-à-dire? Bah, est-ce que tu le revois? Est-ce que vous en parlez? Ah non, moi j'ai pas de nouvelles. J'étais vers lui, il a pas été sympa avec moi, il m'a rejeté. Non, j'ai pas de nouvelles. En même temps, il y a quand même plusieurs dimensions là-dedans. Il y a le fait que peut-être lui, tout simplement, pour des raisons personnelles, il a besoin de prendre des distances temporaires avec sa famille. Et que cette fille l'a peut-être aidé. C'est comme ça qu'on peut voir les choses aussi. Alors peut-être, bon, il a écouté. Et en plus, quand tu as avec quelqu'un qui parle contre ta famille, parfois on écoute ce qu'on a envie d'écouter. C'est-à-dire qu'il lui peut se plaindre de sa famille, elle peut amplifier. Tu vois, il faut faire très attention à ça. Moi, je te dis une chose, laisse pisser, il va revenir un jour.